La population sud-coréenne admire haut les exploits mortels du général Kim Jong-il accomplis pour la réunification du pays. L'homme de presse Kim Il-mu, l'écrivain Fang Man-ok et autres habitants ont exalté que le président du comité de la défense nationale Kim Jong-il a donné naissance à la déclaration commune du 15 juin et à la déclaration du 4 octobre, programme de son application, au bout de ses grands efforts pour réaliser les projets de réunification avancés par le président Kim Il-sung, et que l'époque du 15 juin est l'ère de réunification indépendante basée sur l'idéal entre nous les Coréens. Et d'indiquer, grâce à la direction du général Kim Jong-il, se sont déroulées en grande pompe les cérémonies de réunification comme le grand séminaire sur la réunification nationale, la conférence des ouvriers sud-nord pour la réunification, la conférence des paysans sud-nord pour la réunification et le grand festival pour la réunification nationale. La coopération et les échanges nord-sud se sont dynamisés aussi. Kim Jong-il a considéré la grande union nationale comme base de la réunification et conduit les gens sans égard à leurs idées, opinions politiques et antécédents à la voie patriotique pour la réunification.